je dois partir, car cet homme, je l'aime. Vivre sans lui serait plus que mourir, puisqu'à lui tout m'enchaîne. Je m'arrête.